Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, les 70 ans d'Israël, les bougies du désenchantement. Une série d'Alain Lefkovitch réalisée par Assia Khalid. Au départ de cette série, il y a un anniversaire, un État encore jeune et une démocratie qui se questionne. Il y a aussi un espace géographique qui l'a précédé, ceux qui étaient là et un territoire disputé. Et puis il y a des couches d'histoire, des trajectoires individuelles, des décisions internationales, le sionisme, la Shoah, les enjeux du présent et une identité devenue un millefeuille. Et enfin, un État qui se voulait exemplaire, à moins que ce soit nous qui l'ayons rêvé exemplaire, est devenu, comme n'importe quel autre, et traversé par des conflits insolubles. Alors on peut se demander si le traumatisme n'est pas aussi une partie de l'identité d'Israël. Alors pour commencer, les personnages. Des citoyens en état de choc, des anciens soldats, des survivants soldats, une psychologue, des citoyens soldats, un soldat cinéaste introspectif, des enfants de rescapés, des soldats épuisés et amers, et un écrivain qui a perdu son fils mais qui reste loyal avec ses personnages. Ensuite, le décor. L'état de guerre, le manque de nuances, des carcasses de chevaux, une nation de combattants, la virilité en bandoulière, des conflits intérieurs, la guerre du Liban et Hébron. Aujourd'hui, deuxième épisode, comme une symphonie guerrière. Israël et les Arabes. Deux nationalismes authentiques qui n'en finissent pas de se heurter. Où conduit la guerre ? Soixante-dix ans d'Israël, les bougies du désenchantement, exil, Shoah, guerre et syndrome post-traumatique, par Assia Khalid et Alain Lefkovitch. Nous vivons dans un état post-traumatique permanent. Dans la tête de chacun ici, Yishai Sarid, avocat, écrivain. Il y a la question de l'exil que les Juifs ont vécu à travers le monde, persécutés dans beaucoup d'endroits. Et bien sûr, il y a aussi la question de l'Holocauste. Prenez la question de l'usage de la force, ou l'injonction de ne jamais se montrer faible. Tout ça est très enraciné dans notre psychologie. Ne jamais être faible, ne plus jamais être pris au dépourvu. Évidemment, ça a beaucoup d'impact sur nos relations avec les Palestiniens, avec nos voisins. La fameuse phrase « plus jamais ça », aujourd'hui nous nous en servons contre les Arabes. Parfois à juste titre, et parfois guidés par notre paranoïa, nos traumas, qui nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Nous utilisons des éléments du passé, nous les intégrons au présent et y trouvons des similarités avec la situation actuelle. Comme si tous nos ennemis étaient Hitler, comme si chaque menace était un camp de concentration. Ça rend les problèmes plus difficiles à résoudre. Très simplement, Israël d'aujourd'hui, c'est aussi le résultat d'une société où tout le monde va à l'armée. Nadav Lapid, service militaire. Cinéaste. C'est le résultat d'un pays qui ne connaissait pas un jour de paix. C'est le résultat d'un pays qui est dans un état de trauma, post-trauma, urgence perpétuelle, et qui en même temps, je pense, refoule ce trauma. Et moi, je crois que finalement, les choses sont basiques et crues. Quand vous allez à l'armée, par exemple, quand vous faites votre service militaire, on vous fait apprendre et comprendre que comme à chaque armée, vous êtes du côté des bons qui luttent contre les méchants. Et les méchants sont les Arabes, et les bons, c'est nous. Et vous tirez sur des cibles avec des soldats moustachus. Et ça, c'est très influençant et fondamental. Et c'est très, très compliqué, après que vous avez passé par 3 ans, et encore, c'est pas que 3 ans, parce que vous commencez à vous habituer à cette idée depuis votre adolescence, depuis votre enfance, et ça vous accompagne après quand vous faites votre service de réserve. C'est très compliqué de commencer à développer à ce moment des nuances en disant non, il y a ceci, il y a cela, il n'y a pas un, il y a Abou Mazen, il n'y a pas un, il y a le président de OLP qui ne sont pas comme le président de Hamas, etc. Et aujourd'hui, c'est une société qui a un manque extrêmement grave de nuances. La guerre la plus dure a été celle de 1948, la guerre d'indépendance, au cours de laquelle 10% de la population est morte. Zahava Solomon, spécialiste du syndrome post-traumatique à l'université de Tel Aviv. C'est elle que le cinéaste Ari Folman convoque en 2008 dans son film « Valse avec Bachir ». La plupart des combattants étaient de nouveaux immigrants, notamment beaucoup de survivants de la Shoah, qui à peine arrivés en Israël, sont allés mourir sur les champs de bataille. L'autre guerre, la plus traumatique pour Israël, a été la guerre du Kippour en 1973, durant laquelle il y a eu beaucoup de morts et de prisonniers. Et en 1982, au moment de la guerre du Liban, pour la première fois, les Israéliens se sont posé la question de la légitimité de cette guerre. Ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas obligés de la faire, cette guerre. Et ça, c'était nouveau par rapport aux guerres précédentes. Le gouvernement israélien a alors été fortement critiqué par la population, qui pour la première fois faisait entendre sa voix. Il faut dire qu'à cette époque, le pays Israël se sentait plus fort. Et c'est quand on est plus fort que l'on peut commencer à parler de ses propres faiblesses. Et c'est après cette première guerre du Liban qu'on a commencé à parler de syndrome post-traumatique. Avant, ce n'était pas tellement qu'on n'en parlait pas, mais on faisait en sorte que cette question ne soit pas audible au sein de la société. C'est possible que j'ai pu vivre des choses si dramatiques, mais que je ne m'en souvienne pas. Ce sont des événements dissociatifs. Valse avec Bachir. Un sujet peut être plongé dans une situation donnée, mais avoir l'impression d'être ailleurs. Je peux vous parler du cas d'un jeune homme photographe. À son retour du Liban, je lui ai demandé comment il avait vécu des événements aussi durs. Il m'a dit, c'était relativement simple. J'ai traité ça comme un voyage, un grand périple. Je me suis dit, waouh, trop cool, quel spectacle, vraiment extraordinaire. Ça crie, ça bombarde, c'est un feu d'artifice, c'est passionnant tout ça. C'est comme si la réalité apparaissait dans un cadre bien délimité d'une espèce d'appareil photo. Au moment où, sans prévenir, son appareil imaginaire s'est cassé. Il m'a raconté un épisode qui avait été très éprouvant pour lui. Il m'a dit, je suis arrivé aux écuries de Beyrouth. À l'hippodrome. À l'hippodrome, oui. Et j'ai vu toutes sortes de carcasses. Des carcasses de pur sang arabe qui avaient été décimées. Et il continue, ça m'a brisé le cœur, la guerre, je l'accepte, ce sont des gens qui s'entretuent, mais ces chevaux, ces animaux si nobles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quels péchés ont-ils commis pour mériter ça? L'agonie de ces chevaux entassés lui était insupportable, et le mécanisme par lequel il se préservait en restant hors champ, comme s'il regardait passivement un film de guerre, ce mécanisme l'avait protégé jusque-là, mais dès lors qu'il est entré dans le cadre, il ne pouvait plus dire « ce n'est pas à moi que ça arrive ». Il a été rattrapé par toutes ces horreurs et il a plongé dans la psychose. À l'école, par exemple, on a chaque année, Yaniv Itzkovitch, écrivain. Et c'est établi pour la vie en Israël, ça ne changera pas. le jour de l'Holocauste et le jour du souvenir. Et pour des adolescents, ces journées sont très marquantes. Parce qu'on nous parle de l'Holocauste. Et puis, beaucoup d'adolescents vont en Pologne visiter les camps de concentration. Ça fait partie intégrante de la culture. Le jour du souvenir, c'est une journée pendant laquelle on entend les histoires d'anciens élèves de l'école qui sont morts à l'armée. Ce sont des héros, des légendes. On rêve de devenir des combattants comme eux, même s'ils sont morts. Et quand vous avez 17 ans, un officier vient à l'école et vous parle de l'importance de l'armée. Et les jeunes s'entraînent pour l'armée. Tu as 17 ans et tous les après-midi, tu vas t'entraîner pour l'armée. Moi, par exemple, quand, je sais pas, à l'âge des 15 ans, je commençais à courir sur la plage qui se trouve juste à côté d'ici avec un sac à dos rempli de pierres. C'était pour aller au commando. C'était pour faire la guerre. C'était pour tuer, me faire tuer. C'était pour obtenir des médailles. Et je pense que ce lien est fondamental en Israël. Même aujourd'hui, celui qui n'a pas tué est exclu du fond et du cœur de la discussion politique en Israël. Pour donner une sorte d'exemple immédiat, un peu basique, mais Netanyahou, quand il a été accusé de toutes sortes d'histoires de corruption, il a fait une sorte de grand discours au peuple et à la nation. Il a commencé en disant, moi, j'ai servi dans la meilleure unité, la plus combative, et quand je dans telle ou telle opération, quand je pouvais me faire... À la base... Il y a toujours cela, il y a toujours des uniformes, un flingue, des cadavres et des tirs, des moments héroïques, des moments sportifs, mais ce sport est un sport assez meurtrier. La virilité israélienne est un énorme piège, enfin, piège dans le sens que... qu'il y a un lien très fort entre les corporels et l'idéologique, le physique et l'idéologique. Donc je crois que cette virilité est pour moi une sorte de clé très importante pour sonder, pour aller au fond, pour étaler l'âme collective israélienne. Et sur le plan personnel, j'ai aussi un lien intime et émotionnel avec cette virilité israélienne parce que j'étais à fond là-dedans, j'imagine que c'est toujours pas résolu, ce conflit. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé en France, et à l'âge de 22 ans, que j'étais choqué par le fait qu'il y a des mecs qui pleurent. J'étais quasiment choqué par un mec qui m'a dit « Oui, c'était horrible, j'ai beaucoup pleuré hier soir, ça. » Mais racontant comment il a rompu avec sa petite copine. Ça me paraissait faible, obscène, presque dégoûtant. Évidemment, je généralise, mais je pense que ça fait partie d'un portrait d'une société et ça, ce sont des choses qui finalement qui décrivent ou qui dessinent ou qui tracent la solution politique, pas moins que toutes sortes de questions purement politiques. Grandir en Israël, c'est une expérience très intense. C'est faire partir d'une sorte de bande. Toutes ces choses dont je parle aussi avec un certain rejet et rage, ce qui me rend, je pense, vraiment peut-être enragé, c'est que je sais qu'ils se trouvent tous à l'intérieur de moi. Je n'ai pas vraiment la capacité de me détacher de ça. C'est comme dans une sorte de film fantastique, film d'horreur, ou c'est comme le bébé de Rosemary. cours de l'histoire, aucune nation n'a lutté avec plus de droits que celui qui inspire Israël dans sa lutte actuelle. Abba Eban, ministre israélien des Affaires étrangères pendant la guerre des six jours en juin 1967. La question que nous nous posons est celle de notre survie. L'intégrité territoriale et l'existence même d'Israël sont en danger. France Inter, 6 octobre 1973. Il est très difficile de faire le point des combats sur la rive orientale du canal de Suez. Par contre, sur ce que l'on peut appeler le deuxième front de la bataille, c'est-à-dire sur les hauteurs du Golan, de violents duels d'artillerie se poursuivaient tout à l'heure. Selon un communiqué syrien, les troupes syriennes poursuivent leur progression. Le président Hafez al-Assad a accusé Israël d'être l'agresseur et d'avoir lancé une guerre éclair. Du côté israélien, on reconnaît que les attaques des forces armées égyptiennes se sont poursuivies après la tombée de la nuit. On reconnaît également avoir perdu des hommes et des positions. Mais on ajoute tout de suite que la riposte est extrêmement sévère. On affirme que plusieurs avions syriens ont été abattus, de même que 10 hélicoptères lourds égyptiens chargés chacun d'une trentaine de soldats. Et ce simple détail donne d'ailleurs une idée de l'importance des moyens engagés et de la violence des combats. Extrait du film Kippour de Amos Gitai. On dirait que Dayan et Golda les ont sous-estimés. Sous-estimés ou pas, des voisins pareils, je m'en passerais bien. Ils sont plus malins qu'on ne le pensait. Pourquoi ? Une attaque surprise le jour de Kippour. Personne ne s'y attendait. Weinrob, c'est la guerre pour de vrai. Et c'est la nôtre cette fois, on a l'âge. Roule mon pote, roule. Ajoutons tout de suite que les forces armées jordaniennes ont été mises en état d'alerte, que le Maroc envisage d'envoyer des forces armées sur le front égyptien, que le Soudan se dit prêt à envoyer des troupes. La bataille se décidera dans les tout prochains jours dans le désert et elle s'achèvera par une défaite cinglante pour ceux qui se sont lancés dans cette aventure dangereuse, a déclaré le général Dayan. De son côté, Mme Golda Meir a déclaré « Notre victoire ne fait aucun doute, la reprise des combats par les dirigeants arabes est une folie. Je suis sûr que chacun acceptera les difficultés et se sentira responsable car nous combattons pour notre survie. » Guerre du Liban, France 2. 20 juillet 1982. 6 juin, premier jour de l'attaque. Tout indiquait qu'il s'agirait encore une fois d'une guerre éclair, rondement menée par l'armée israélienne. En 5 jours, par terre, par mer et par air, l'OLP était acculée dans la capitale libanaise. Mais aussi, 5 jours de bombardements intensifs, détruisant villes et villages, n'épargnant pas la population civile, au milieu de laquelle combattait l'OLP. C'est en voyant ces milliers de réfugiés chargés de baluchons renfermant ce qu'ils ont pu sauver ou emporter, c'est en constatant les réactions souvent sévères venues de l'étranger que des Israéliens commencèrent à s'interroger. Le problème est que le gouvernement, lui, a pris un certain nombre de décisions et a orienté la politique. Claude Laloum, du mouvement La Paix Maintenant. Et là, il ne s'agit pas de l'armée, il s'agit des décisions qui ont été prises par le gouvernement, qui a utilisé la puissance militaire d'Israël pour des objectifs politiques qui ne sont pas liés directement à la sécurité d'Israël. Il y a un débat à l'intérieur de la société israélienne. Est-ce que il relève du rôle du gouvernement israélien de créer un nouvel ordre au Liban ? Personnellement, je crois que c'est un objectif qui ne relève pas de la défense et de la sécurité d'Israël. Je me rappelle quand j'étais petit, j'avais 10 ans peut-être, et c'était la guerre, tout était paralysé. Tous les pères étaient au front, et tous les enfants restaient avec leur mère dans leur maison fermée, derrière leurs fenêtres fermées, leurs volets fermés, les lumières éteintes, en attendant l'avion qui passerait, la bombe qui tomberait, qui tuerait tout le monde. Contre ça, il n'y avait pas de permission qui tienne. Et maintenant, c'est moi qui reviens du front, pour la première fois après 6 semaines au Liban. Et je vois que la vie continue comme si de rien n'était. La guerre du Liban n'était pas une guerre de survie. Et c'était une guerre chaotique. On ne savait pas pourquoi on se battait. Samuel Maoz, cinéaste, réalisateur de Lebanon et de Foxtrot. Et je pense que la seconde guerre du Liban en 2006, c'était la même chose. Quand je suis revenu de la première guerre du Liban, je ne pouvais pas imaginer qu'un bébé qui venait de naître allait devoir se battre et mourir en 2006 dans un scénario libanais similaire. Mais c'est ce qui s'est passé. Et ça nous a poussé à en parler. Si je compare mon premier film, Lebanon, à mon second film, Foxtrot, je dirais que Lebanon a été le récit de ma véritable histoire personnelle. Mon expérience de la guerre, ce que j'ai vu en tant que mitrailleur dans un char, mes émotions d'enfant de 20 ans qui n'avaient jamais été impliquées dans aucun acte de violence et qui un matin se réveille et tue des gens. Et je me suis senti coupable et je peux dire que j'ai souffert en silence d'un léger syndrome post-traumatique. Rien de clinique, rien qui ressemble au cliché du type trauma qui revient de la guerre. Moi, je fonctionne, je marche, je crée, je socialise, j'ai une famille, je ne suis pas déprimé. Bien au contraire, je suis optimiste et je n'ai pas de cauchemar. Mais ce traumatisme sournois et silencieux m'a éloigné de ma vie pendant plusieurs années. Et c'est pour ça que je n'ai réalisé ma première fiction qu'à l'âge de 46 ans au lieu de le faire à 30 et quelques. Dans Lebanon, je parlais de moi. Et une fois que les émotions sont sorties, j'ai compris que je n'étais pas le seul. Qu'Israël avait produit beaucoup de gens comme moi. Trop. Et c'est alors que j'ai compris pourquoi nous, je veux dire la société israélienne, agissait comme nous le faisons. Ma réponse à la fois simple et complexe, c'est que nous sommes une société traumatisée. Notre mémoire émotionnelle liée à nos traumatismes passés, et en premier lieu évidemment l'Holocauste, suivi des guerres pour notre survie, est plus forte que n'importe quelle réalité banale ou que n'importe quelle logique. Le trauma se transmet de génération en génération parce que nous sommes convaincus que notre existence est en perpétuel danger. La conséquence, c'est que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre une guerre. Maintenant, cette menace existentielle n'existe plus. L'existence d'un pays technologique doté de l'arme nucléaire ne peut pas être réellement menacée. Nos ennemis ne font pas le poids. La Syrie n'est plus là, l'Égypte s'effondre, et l'occupation des territoires n'est pas la guerre. Mais malgré cette réalité, nous préférons acheter 3 sous-marins très coûteux plutôt que de nourrir le million d'enfants qui a faim et les 500 000 personnes âgées, dont certaines sont des survivants de l'Holocauste. Bref, dans Lebanon, j'ai parlé du traumatisme et Foxtrot parle des syndromes post-traumatiques. On peut dire que Foxtrot parle de la blessure béante ou de l'âme sanguinolente de la société israélienne, du cercle infernal dans lequel nous sommes piégés. Nous dansons le Foxtrot. Chaque génération tente de le danser différemment, mais comme avec les pas du Foxtrot, on finit toujours par se retrouver au point de départ. Après la l'euphorie de la guerre, Ariel Schweitzer, de ces jours, historien du cinéma, les Israéliens, écrivain, dans professeur une, et critique, marqué par une espèce d'euphorie, ils croyaient invisible et il y avait un sentiment de confiance et de sécurité qui s'est brisé d'une manière brutale au moment de la guerre du Kippour, tout simplement parce qu'Israël était complètement pris par surprise. Deuxièmement, pendant les premiers jours et pendant les premières semaines de la guerre, on craignait véritablement la défaite de l'armée israélienne avant que l'armée israélienne a réussi à renverser la situation. Et puis, c'est une guerre qui a provoqué un nombre extrêmement élevé de morts et de blessés. Donc, il y a déjà un premier traumatisme en 1973 qui brise cette espèce d'euphorie qui a marqué la société israélienne après la guerre de 67. Et le deuxième traumatisme est bien sûr celui de la guerre du Liban, qui est la toute première guerre qui n'était pas imposée à Israël, la toute première guerre dont Israël était à l'initiative, la toute première guerre où il n'y avait pas un véritable consensus au sein de la société israélienne par rapport au but de la guerre et notamment par rapport à la manière de la mener. Et puis, un autre traumatisme est lié à une sorte de mésentente entre le gouvernement israélien, à la tête du gouvernement, le premier ministre Menachem Begin, et l'armée menée par Ariel Sharon, qui, durant une partie des opérations, en fait, a évité d'informer le gouvernement israélien sur les déroulements des opérations pour avoir main libre, ce qui s'est soldé par cette tragédie de Sabra et Shatila. France Inter, 7 juin 1982. Un seul mot, c'est la guerre. C'est la guerre totale maintenant ici à Beyrouth. L'aviation israélienne n'a pas cessé d'occuper le ciel de la capitale toute la journée. À 16h30, pardon, elle a commencé ses bombardements, et ses bombardements n'ont pratiquement pas cessé depuis. Au début du journal, à 19h, et en fin de journal également, les avions israéliens ont encore bombardé des quartiers à la périphérie des camps palestiniens de Beyrouth, le quartier de Fakhani, là où se trouvent les principales permanences palestiniennes. À en juger par le nombre des ambulances qui défilent dans les rues en trombe, il doit y avoir beaucoup, beaucoup de victimes. Naturellement, tous ces survols déclenchent des tirs frénétiques de DCA. Pratiquement, le canon n'a pas cessé de sonner. Au large, le long des côtes de Beyrouth, il y a des vedettes, dit-on, qu'on les voit aux jumelles. Les batteries côtières ont également sonné toute la journée. Les communications avec le sud, naturellement, sont coupées. Les écoles sont fermées. On commence à manquer d'essence. On fait la queue devant les stations-service. Il y a des coupures d'électricité, il y a des réfugiés qui affluent du sud. Bref, c'est la guerre. On se demande maintenant vraiment si Beyrouth va être épargné. Et Sabra et Shatila a énormément marqué la société civile israélienne suite au massacre de Sabra et Shatila. Et il y a toute une génération qui ont fait leur service militaire durant la guerre, mais la guerre s'est prolongée par des années d'occupation du sud du Liban et qui sont extrêmement marqués par cette guerre. Ces gens sont retournés de l'armée et ils n'ont pas eu la possibilité ni le temps de digérer l'expérience de la guerre. C'est une expérience qui a été plus ou moins refoulée. Et c'est très intéressant que 20 ans plus tard, suite à un élément déclencheur, qui est la deuxième guerre de Liban, en 2006, tout à coup, la culture israélienne est secouée par une série d'œuvres à la fois littéraires et cinématographiques qui reviennent tous à cette traumatisme de la première guerre du Liban et de cette génération sacrifiée qui n'a pas pu faire un examen de conscience après la fin des batailles et des effets post-traumatiques ces fins de jour qui sont exorcisés dans une série d'œuvres littéraires et des œuvres cinématographiques, Valse avec Bachir d'Harry Fulman, Lebanon de Samuel Maoz et Beaufort de Joseph Sédar ont formé une forme de trilogie. Et à travers cette expérience individuelle de trois cinéastes, il y a un examen de conscience des valeurs collectives de la société israélienne et au centre de ces questionnements, une critique de la politique des différents gouvernements israéliens qui n'ont pas su créer un terrain de dialogue entre Israël et les pays arabes et entre Israël et les Palestiniens et qui condamnent en fait les générations futures au sacrifice militaire, au sacrifice personnel. Et il y a certaines œuvres qui traitent ces sujets par les biais du mythe de sacrifice de la Bible. C'est l'un des mythes fondateurs du judaïsme et aussi de la culture israélienne. Ce mythe est réactivé pour questionner une société qui condamne ses enfants à une forme de guerre permanente et au sacrifice permanent de leur vie. Our problem was that we couldn't... Le problème, c'est que ma génération, la seconde génération de survivants de l'Holocauste, Samuel Maoz, cinéaste, nous ne pouvions pas nous plaindre de quoi que ce soit. Nos parents, nos professeurs, qui avaient fort heureusement survécu au traumatisme le plus horrible des temps modernes, et qui n'étaient déjà pas des gens très stables, avaient l'habitude de se montrer avec leur numéro sur le bras en criant toute la journée qu'ils avaient survécu à l'Holocauste. Alors qui étions-nous, nous, enfants gâtés dans un pays ensoleillé avec une mer bleue et des orangerais, pour nous plaindre de quoi que ce soit? Alors vous savez, quand je suis revenu de la guerre avec deux mains, deux jambes, 10 doigts, avec aucune marque de brûlure sur ma peau, me plaindre de mes souffrances internes, ça aurait été indécent. Sois un homme et fais face. Et on a eu le cerveau lavé. Quand j'étais à l'école primaire, le professeur écrivait au tableau que c'était bien de mourir pour son pays. Alors le cercle traumatique dans lequel nous vivons nous a complètement déglingués. Pourquoi on se bat ici? Dans quel but? Je n'avais pas remarqué que tu te battais ici, Amikam. Une guerre psychologique, mon commandant. Je combats l'inconnu. Quel est cet inconnu que tu combats? Si je le savais, mon commandant, je ne l'appellerais pas comme ça. Yaron Edel, fondateur du mouvement Récissime, comprendre, éclat, dont le but est de recoller les morceaux d'une mémoire en lambeaux de tous ceux qui, en Israël, souffrent de syndrome post-traumatique. Si on revient dans le passé et on regarde, le truc c'est que j'avais pas les mots pour décrire ce que je ressentais. Alors dire que quand c'était mes premiers symptômes, enfin c'est dur à dire. Mais quand je regarde dans le passé, enfin c'est vraiment clair. C'est comme un... It's like a picture. I can see the actors, I can c'est see comme the un film. Moves, I can see je peux voir les acteurs, je peux voir les mouvements, je peux voir les décisions prises par les personnages. Et je peux dire que durant tout mon service militaire et même après mon service, quand j'y repense, si je prends la définition des syndromes post-traumatiques, alors c'est facile de comprendre rétrospectivement les choses. Pendant un an et demi, lors de mon service, j'ai commandé une section de 20 soldats. Je venais de passer 6 mois à Hébron et à Bethléem, avec des expériences de combat très intenses. Et je me souviens de la façon dont je hurlais sur les soldats et dont je m'énervais à propos de tout et de rien. Ce n'était pas rationnel. Ce n'est pas rationnel de hurler sur quelqu'un juste parce qu'il ne porte pas son arme correctement quand il marche dans la rue. Ça, c'est juste un exemple en tant que militaire. Mais quand je regarde ma carrière professionnelle, je vais vous donner un autre exemple. Il y a 6 ou 7 ans, j'avais un chef qui, un jour, s'est mis très en colère contre moi car je n'avais pas écrit correctement l'objet d'un email. Et je lui ai dit, genre, il n'y a pas mort d'homme, pas de drame, donc ferme ta gueule. Sa réaction était disproportionnée. C'est sans doute le seul aspect positif du post-traumatisme. Tu sais ce qui est important et ce qui ne l'est pas. C'est un tout petit aspect positif, car évidemment, on a plein de colère en nous. Et ce qui arrive au niveau professionnel fait ressortir des choses très personnelles. Je projette des choses que j'ai vécues dans le passé sur des situations présentes. Et je me bats contre ça tous les jours. L'important pour moi, c'est d'identifier ces moments et d'être capable de les interpréter afin de me soigner moi-même. Car oui, j'ai un problème. Je souffre d'une sorte de handicap. Est-ce que vous pensez que ce handicap vient de ce que vous avez vécu? Et qu'est-ce que vous avez fait qui vous perturbe à ce point? Le service militaire, c'est quelque chose que personne au monde ne devrait faire. Avoir le droit de porter une arme, ce n'est pas quelque chose de sain. Le concept d'arme est mauvais. Une fois qu'on a dit ça, parlons de ce qui se passe à l'armée. La façon dont les Israéliens voient la chose, c'est qu'il est de notre devoir de défendre notre pays, de défendre les Juifs. On peut parler de politique, mais le fait est que quand tu es à l'armée, tu ne fais pas de politique, tu fais les choses. Et peu importe que tu sois d'accord ou pas. Et j'ai fait les deux. Des choses avec lesquelles j'étais d'accord et des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Ça n'a pas d'importance. J'étais un officier, j'avais un devoir à remplir et j'étais fier à 99% des choses que je faisais. Mais évidemment, j'étais un enfant. Quand vous mettez une arme dans les mains de quelqu'un de 18, 19 ou 20 ans, ce n'est pas comme à 40 ans. Il fait des choses stupides. C'est universel. Ce n'est pas spécifique à ce conflit. J'avais 21 ans quand j'ai eu le pouvoir de boucler un village. Pour de bonnes raisons. On se fiche des raisons et des motivations. Le truc, c'est que quand tu as 20 ans et que tu as ce genre de pouvoir, ça craint. Donc, quand je regarde les décisions que j'ai prises à 20 ou 21 ans, évidemment que je ne prendrai pas les mêmes aujourd'hui, mais on s'en fout. J'avais 21 ans et c'était comme ça. Aujourd'hui en Israël, tous les jeunes de 18 ans vont passer, pour les garçons, 3 ans à l'armée, pour les filles, 2 ans. Et beaucoup d'entre eux vont à Gaza, en Cisjordanie. Beaucoup d'entre eux vivent des choses très difficiles. 18 ans, on est très jeune, on a encore un enfant. Ça donne quoi comme jeunesse et ça donne quoi comme parents? Je crois que ce qui aide beaucoup, c'est la vie de famille en Israël. Zahava Solomon. Les familles sont très soudées et les parents soutiennent beaucoup les enfants. Personne n'a envie que ses enfants fassent l'expérience de tout ça. Mais nous en comprenons la nécessité, car si nous n'avions pas d'armée, en tant que nation, nous aurions disparu, nous aurions été détruits. Évidemment que ce n'est pas une situation idéale. J'aurais souhaité, en tant que mère d'un jeune homme qui a été officier et a vu des choses horribles, j'aurais préféré qu'il n'ait pas à servir dans l'armée. Mais en même temps, je l'ai soutenu quand il a voulu y aller. Parce que je savais que ça participait d'un mécanisme de survie pour nous tous. Ce que nous faisons et ce que j'essaie de faire à ma mesure, c'est de limiter les dommages psychologiques que cette situation engendre et d'aider à les transformer en mécanismes positifs qui aident les gens à surmonter et à vivre une vie saine et productive. Le principal dommage pour beaucoup de jeunes, c'est qu'ils sont privés de leur innocence, trop tôt. Le côté positif, c'est l'esprit de camaraderie. Les jeunes apprennent à se faire confiance. Ils sont prêts à tout pour s'entraider. Donner un rein, donner de l'argent. Ce n'est pas une société où les gens sont indifférents. Donc tout n'est pas négatif. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien d'envoyer des enfants et des jeunes gens à la guerre. Si seulement nous avions d'autres politiciens. Mais malgré notre situation et notre histoire, les gens ici font de leur mieux pour construire une société humaine et un pays bienveillant à l'égard de sa jeunesse. Je pense que toutes les guerres d'Israël contre les pays arabes autour ont pour origine les problèmes non réglés de 1948. Avi Moghrabi, cinéaste. Le fait qu'Israël ait décidé d'être une île au milieu d'un océan moyen-oriental, d'un océan arabe, au lieu de trouver un moyen de vivre dans et avec le Moyen-Orient, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que tous les autres acceptent Israël, etc. Mais Israël a décidé d'être la villa dans la jungle, comme ils disent. La guerre du Liban a été la première guerre à laquelle j'étais censé participer. Et avant qu'elle commence, avant juin 82, je faisais partie d'un groupe, des militants de gauche qui étaient contre l'occupation de 67. Et on était sur le point de publier une déclaration, une pétition de refus de servir dans les territoires occupés. Nous débattions de cette question depuis un moment. Il était clair que ce genre de position n'allait pas être tolérée par cette société, tellement militarisée et de plus en plus nationaliste. Et la guerre du Liban nous a surpris au milieu du débat. Et parce qu'il était évident qu'il s'agissait d'une guerre inutile, provoquée par Israël, afin d'éliminer le pouvoir politique de l'OLP, qui prenait de l'ampleur depuis son implantation au Liban. Parce qu'il était clair qu'Israël essayait de s'ingérer dans les affaires d'un autre État, le Liban. Nous avons temporairement mis de côté le refus de servir dans les territoires occupés pour nous concentrer sur le Liban. Et c'est ainsi que Yesh Gvul, il y a une frontière, c'est cela que signifie le nom de l'organisation, est né. Et nous avons publié une pétition. De plus en plus de personnes ont été emprisonnées pour avoir refusé de servir au Liban. Et j'étais responsable des relations publiques de l'organisation pendant la première année, jusqu'à mon propre emprisonnement. Et c'est complètement différent de briser le silence, une autre organisation fondée des années plus tard, en 2004, par de jeunes vétérans qui venaient de terminer leur service dans les territoires occupés, et qui se débrouillaient tant bien que mal avec ce qu'ils avaient vécu et avec ce qu'ils avaient fait là-bas. C'était clairement une démarche politique. L'idée était d'agir comme des journalistes, de recueillir des témoignages et de les publier pour attirer l'attention du public israélien sur le fait que l'occupation était encore en cours. Parce qu'un des plus grands succès du gouvernement israélien pendant des années, c'est d'avoir rendu l'occupation invisible. Certains jeunes Israéliens ne savent pas qu'Ariel est dans les territoires occupés. Vous conduisez et ne voyez pas un arabe pendant 45 minutes, puis vous y êtes. Tout ça grâce au système des routes juives en Cisjordanie, qui vous permet de ne pas voir l'occupation, de ne pas vous en rendre compte. Quand Yitzhak Rabin était Premier ministre, c'était l'époque du processus d'Oslo qui était censé tout résoudre. Yaniv Itzkovitch, écrivain. Et puis c'est arrivé, ils ont assassiné Rabin et tout a régressé au lieu de progresser vers la paix. Nous avons commencé à servir dans les territoires occupés et pour moi c'était... En fait, en tant qu'adolescent en Israël, on ne sait pas ce qui se passe dans les territoires. C'est à 30 km de chez soi, mais personne n'en parle. Quand on apprend l'histoire, on s'arrête à 1948, ou maximum 1967. Mais on ne parle pas de ce qui se passe après, de comment Israël a occupé ces territoires, a construit des colonies dans ces territoires. Et personne ne pense à ce que vont devenir les 2 ou 3 millions de Palestiniens qui vivent dans ces territoires. Quand j'ai commencé à servir dans les territoires, c'était insupportable. J'avais l'impression d'être coupé en deux. D'un côté, je suis quelqu'un de bien, je suis un Israélien, je respecte les règles et tout ça. Mais de l'autre, je pars chaque année servir un mois ou plus dans les territoires occupés. Et là, je dois me tenir à mon poste. Je dois faire des choses auxquelles mon éducation ne m'a pas préparé. Bref, je n'ai pas pu garder le silence. Et avec un ami, David Zonshine, nous avons écrit une lettre au plus haut commandement disant que nous ne voulions plus servir dans les territoires, que nous étions volontaires pour servir dans l'armée pour n'importe quelle autre mission, la protection des frontières israéliennes, mais comme les territoires occupés ne sont pas les frontières d'Israël, nous ne voulions plus y servir juste pour protéger les colonies. Beaucoup de soldats nous ont suivis. Nous avons été emprisonnés dans une prison militaire pendant un mois. Et la lettre a été publiée dans tous les journaux, télé, c'était fou. Pendant 3 ou 4 mois, on ne parlait que de ça. Et ça a mené à d'autres mouvements. Ça a mené à la lettre des pilotes. Il y a eu aussi une lettre venant de l'unité d'élite la plus prestigieuse de l'armée israélienne. Puis est née l'organisation Briser le silence. C'est une période de 2 ans pendant laquelle beaucoup de soldats, de combattants, des pilotes, des troupes d'élite ont dit non. Les premiers 4 mois où j'ai servi à Hébron ont constitué la période la plus difficile de mon service militaire, et de loin. Yaron Edel. C'est là qu'on m'a tiré dessus pour la première fois. C'était très intense. Imaginez mon emploi du temps. J'étais à la maison le week-end et de retour sur place le dimanche. Il y a un terme militaire qui signifie 8-8. 8-8, c'est ce qu'on fait quand on fait un service de garde. 8 heures de garde, 8 heures de repos pendant 3 semaines. Les 8 heures de repos n'en sont pas vraiment, puisque, évidemment, on doit manger, se laver, il y a des entraînements, car comme on est en alerte tout le temps, il faut qu'on soit toujours prêt. On dort 2 heures par nuit, si on a de la chance, pendant 3 semaines. Imaginez, 8 heures seul dans le noir. Au-dessus du marché d'Hébron. C'est une situation dingue. Tout le monde vous hait, les colons, les Arabes. Tout le monde vous hait à Hébron. Et il y a aussi, évidemment, les... Comment vous dites Les observateurs européens qui ne surveillent que l'armée et on le prend pour soi. On le vit comme une injustice. Et en tant que soldat, on sent bien que la presse internationale n'est pas notre amie. On a l'impression que la situation n'est pas couverte de manière objective par les médias. En tout cas, du point de vue des soldats de 18-19 ans qui servent à Hébron et qui, vous savez, s'en prennent plein la gueule tout le temps. Je me souviens d'un week-end où nous avons subi une attaque terroriste. Et le lendemain, des colons nous jetaient des couches usagées et des trucs. Donc, vous voyez, c'est pas vraiment une ville où règne l'harmonie. C'est dingue. Je me souviens la fois où on m'a tiré dessus. Juste après, je montais la garde sur un mirador. Juste après m'être fait tirer dessus. Ça marque profondément. Pendant mon service, j'ai toujours dit que Hébron était l'endroit le plus dur. Certes, Gaza, au début des années 2000, était aussi un endroit dingue. En fait, ce sont les deux endroits les plus dingues. Bon, Gaza était objectivement plus violent que Hébron, mais les deux tiennent la première place. Ne pensez-vous pas parfois que le prix à payer est très élevé pour vivre ici ? C'est un prix très élevé, oui. Vous savez, il y a des années, nous avons perdu un fils pendant la guerre du Liban. Il y a 11 ans et demi, il s'appelait Uri. Donc je connais très bien le prix à payer pour vivre ici. David Grossman, une des grandes figures de la littérature israélienne. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'essaie de faire en sorte que d'autres n'aient pas à payer ce prix. Et qu'Israël ne se contente pas de survivre d'une catastrophe à l'autre, d'une guerre à l'autre, mais vive une vie normale, avec tout ce qu'une vie normale implique. Dans notre situation, la vie se réduit en permanence à la survie, qui peut prendre plusieurs aspects, par exemple la fuite, des gens qui restent ici mais se détachent de la réalité, des gens paralysés par la situation extérieure et qui deviennent paralysés de désespoir. Moi, j'y crois encore. Je peux dire que dans les moments les plus difficiles, le fait d'être écrivain m'a empêché de capituler. J'étais aux deux tiers de l'écriture de mon livre, comment il s'appelle en français, Une femme fuyant l'annonce. Il s'agit d'une femme dont le fils part à l'armée en opération et qui ressent avec beaucoup de force que son fils ne reviendra pas. Elle décide de se battre pour lui en racontant son histoire. Dans les moindres petits détails, elle le construit de nouveau. Et en racontant cette histoire à une tierce personne, son compagnon, son amant, elle se sent lui donner la force dont il aura besoin pour faire la guerre. 3 ans et 3 mois après le début de l'écriture de ce roman, la guerre du Liban a commencé et mon fils a été tué. Et une semaine plus tard, après la semaine de Shiva, les 7 jours de deuil que nous avons dans le judaïsme, je suis retourné dans ma chambre et j'ai repris l'écriture, malgré la difficulté. J'ai éprouvé le besoin de rester loyal vis-à-vis de mes personnages, de ne pas les abandonner. La capacité de fabriquer un personnage, de lui donner des idées, des anecdotes, un sens de l'humour, une sexualité, une passion, une imagination. Soudain, ça m'a ramené à la vie. Mais je le répète, je vis ici et je fais face à toutes sortes de dilemmes existentiels, de dilemmes moraux. Chaque conversation que je tiens, chaque fois que je sors de chez moi, ou encore quand je suis chez moi mais que j'écoute les informations, je veux prendre part à la vie de ce pays, qui m'effraie parfois, mais qui reste le seul que je peux appeler mon foyer. Alors, je travaille beaucoup à en faire un foyer. רץ מהיר חושב לאט אוקיי אני מרגיע מסדיר את הנשימה שוטף פנים אני מזיע כל כך הרבה חופש כל כך הרבה משמעויות למה תמיד נחנק כשמתבונן רואה רק טעויות אבל אני מתלבט לזה כיוון אני אזרום שמאלה או ימינה אבל רמזור מראה אדום מסונבר כבר לא רגיל אור יוצא ממין הרע אבל עדיין שואה, גר וסנדרום פוסט-טראומטיק אבק אישי שריד, נדב לפיד, זהבה סולומון Yanni Vitskovitch, Samuel Maoz, Ariel Schweitzer, Yaron Edel, Avi Mograbi et David Grossman. Merci à Johanna Blickman, Deborah et Shimon Mercerwood, Nadine Epstein, Daniel Friedman, Gwen Michel de Lina pour les archives et Tamara Zenin. Avec les voix de Laetitia Edo, Laurent Lederer et Nicolas Raka. Prise de son Benjamin Thuo, réalisation Asia Khalid, mixage Célia Dufour, attaché de production Marivonne Bolivier, coordination Perrine Kervran, un documentaire d'Alain Lefkovitch pour la série documentaire. Tu sais, je serai cool. Il y a une danse. Sur leur corps. Ça fait comme ça. Que dis-moi. En avant. Sur le côté et tu t'arrêtes. En arrière. Sur le côté et tu t'arrêtes. Katim. Yamina, Tu reviens toujours à ton point de départ. Comme ça. C'est simple. LSD, la série documentaire pour aujourd'hui, c'est terminé. Et si vous voulez faire la paix, bibliographie, lien, nous podcaster à Jérusalem ou nous réécouter à Tel Aviv, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc, et maintenant même sur Instagram. Demain, troisième étape, une terre trois fois sainte et la question palestinienne. Et toute la semaine, les 70 ans d'Israël sont aussi au programme de la Fabrique de l'Histoire.